Chapitre 3e. Ce fut là pour un temps tout ce qu'ils apprirent. La loi leur enleva de nouveau quelques-uns de leurs fils pour le service militaire. On leur envoya des armes de la ville la plus proche. Et un vieux soldat entreprit de leur enseigner à en faire usage. Mais nul ne profita de ces leçons aussi bien que Bernadou, qui apprit bien vite à manier un fusil. Il parlait moins que jamais. Une profonde tristesse s'était emparée de lui. « Tu es marié, » disait le vieux soldat. « Tu as ta grand-mère, ta femme, un enfant à soutenir. On ne t'appellera que le dernier. » Mais un vigoureux gaillard comme toi ne devrait pas attendre l'appel. Tout le monde te blâme de ne pas t'engager comme volontaire. « Je servirai quand mon tour viendra, » répondait simplement Bernadou. Il ne voulait pas laisser ses chances sans culture, abandonner sa femme au désespoir, sa grand-mère si près de la tombe. Les patriotes qui déclamaient contre l'Empire déchu ne lui épargnaient ni raillerie ni reproche. Il les regardait droit dans les yeux, ne répondait pas et s'en allait à son travail journalier. « Quand on aura besoin de lui, » disait Rénalix, « il ne manquera pas à son devoir. » Jusqu'au bout, Bernadou demeura obstinément attaché à son foyer. Il travailla pour sa famille et pour les épouses, pour les mères abandonnées, qui n'auraient pu ni cultiver leurs terres, ni soigner le peu qu'il leur restait de bétail. À l'automne, on sut enfin à quoi s'en tenir. Les familles fugitives accourues des villes envahies dans les lointains villages, les décrets du gouvernement nouveaux affichés partout, des rumeurs rarement exactes mais sinistres, avertirent successivement les gens du berceau des tristes péripéties de la guerre. Celles-ci ne les touchaient pas encore directement. Une distance qui leur semblait infranchissable les séparait encore des catastrophes dont ils étaient incapables d'approfondir les conséquences. Néanmoins, de sombres pressentiments pesaient sur eux. Déjà, les chevaux et le bétail étaient réquisitionnés. Les charrues se trouvaient réduites à une oisiveté forcée. Les privations devenaient chaque jour plus pénibles à supporter. Le soir, la rue demeurait silencieuse. À peine les voisins osaient-ils échanger tout bas leurs réflexions, de crainte qu'un espion n'entendît. « Il en était de même dans ma jeunesse, » disait Rénalix, accablé par l'effroi de cet ennemi inconnu, de cette misère sans forme et sans nom qui les menaçait à tout instant. Sans doute le village était encore tranquille, mais ses habitants savaient qu'à l'improviste, le tonnerre du canon pouvait les arracher à leur sommeil et l'incendie courir dans leurs champs. Ce qu'on disait à ce sujet leur fit l'effet d'un rêve horrible jusqu'au jour où ils virent les étables vides et la terre stérile faute de bras. Novembre arriva. « Il fait froid ce soir. Bernadou, apporte du bois, » dit Rénalix. Le bois, du moins, ne manquait pas dans le pays. Et Bernadou en chargea la cheminée, puis il se remit à tourner une baratte pour sa femme. Il était assez habile tourneur à ces moments perdus. L'enfant dormait auprès du feu, le sourire sur les lèvres. Margot filait au rouet. De temps à autre, Rénalix levait les yeux de son tricot pour regarder la petite couchette d'osier. On avait fermé les volets. Soudain un cri s'éleva au dehors, le cri d'un grand nombre de voix désolées. Bernadou se leva, saisit son fusil et tira la barre de la porte. Tout le monde était dans la rue, et les femmes, avec de bruyantes lamentations, retenaient leurs enfants autour d'elles. Du côté de l'est, une lueur rougeâtre s'élevait dans le ciel et le vent apportait comme un mugissement sourd. « Qu'y a-t-il donc ? » demanda le jeune homme. « Les Prussiens marchent sur nous, » répondit-on en chœur. « Cette lueur là-bas, c'est la ville qui brûle. » Puis le silence se fit plus terrible que les gémissements. Rénalix sortit à son tour. « Si nous devons mourir, mourons ici, » dit-elle d'une voix basse et brève. Bernadou lui prit la main et y colla ses lèvres. Elle fut satisfaite de cette réponse. Margot s'était avancée derrière eux, tenant son fils serré contre son cœur. « Que pourrait-il nous faire ? » demanda-t-elle, tandis que ses vives couleurs s'éteignaient sur ses joues. Bernadou sourit pour la rassurer. « Je n'en sais rien, mais sois tranquille. Les Prussiens eux-mêmes ne sont pas capables d'égorger des femmes et des enfants. »« Si fait, » dit une voix dans la foule, « et vous le verrez bien. » Personne ne répondit. La rue était sombre. Au loin, la lueur sanglante grandissait, et ce même bruit, faible et menaçant à la fois comme un hurlement de loups affamés, continuait toujours. C'était le rugissement du feu et de la guerre. Dans le silence, la voix de Rennalik s'éleva. « Dieu est bon. N'aurions-nous pas confiance en lui ?» Un long sanglot de tous ses cœurs brisés lui répondit. Toute la nuit, on resta dans la rue, n'osant se remettre au lit, car d'un moment à l'autre, l'ennemi pouvait fondre sur le village, n'osant fuir non plus, car il pouvait les surprendre dans les bois. Un homme cria bien, « Resterons-nous dans nos maisons pour y être enfumés comme les abeilles dans leurs ruches? Sauvons-nous » Mais la voix calme et ferme de Rennalik le réprimanda de nouveau. « Que celui qui veut courir comme un lièvre devant les chiens le fasse donc. Moi et les miens, nous gardons la maison. » Et les hommes furent humiliés de se trouver moins courageux qu'une femme de 90 ans. Personne ne parla plus de fuir. La nuit s'écoula ainsi. Les enfants grelottaient roulés dans les jupes de leur mère. Les hommes observaient les progrès du feu sur le ciel sans étoiles et prêtaient l'oreille à la fusillade. Au point du jour, un épais brouillard blanc et froid couvrait la rivière, et du côté où devait se lever le soleil, on ne voyait que le reflet livide des flammes ou des tourbillons de fumée noire se confondant avec les nuages de plomb. « Eh bien, dit le tailleur, s'ils viennent, nous les laisserons faire. Nous n'avons point d'armes, point de poudre, ou si peu, point de soldats, aucun moyen de défense. » Bernardo ferma le poing, se redressa, et un éclair passa dans ses yeux bleus. Sa grand-mère échangea un regard avec lui. « Tes mains sont nettes. Ta conscience est pure, dit-elle. N'aie donc pas peur de mourir s'il le faut. » Il sourit. Margot s'attacha à lui en pleurant, et il l'étreignit avec tendresse. Mais la femme qui avait su lire dans son cœur était celle qu'il avait reçue dans ses bras à sa naissance. Le peu d'hommes qui restaient, des vieillards ou des enfants pour la plupart, tinrent conseil. Les plus fortes têtes décidèrent que, quoi qu'il pût survenir, la résistance était impossible et que le mieux était de cacher les armes et les provisions avant l'arrivée du vainqueur. « Si nous résistions, dirent-ils, ce serait notre perte. Et que voulez-vous que fasse un misérable petit hameau contre le canon ?» Bernardo seul opposa des remontrances. Ses joues étaient en feu et pour la première fois les mots lui venaient aisément. « Quoi ? » dit-il. « Livrerons-nous donc nos foyers, nos femmes et nos enfants sans tirer un coup de fusil? Serons-nous assez lâches pour montrer que nous avons peur d'eux? Ce serait une honte. Nous ne mériterions plus le nom d'homme. Prouvons qu'il y a en France des gens qui ne craignent pas de mourir. Défendons-nous tant que nous pourrons. Nous avons de bons fusils. Et si nous les attirons dans nos bois, ils seront, du temps qu'il fait, avalés par les fondrières. Le rendez-vous des francs-tireurs n'est qu'à 3 lieues. On viendra sûrement à notre secours. N'y eut-il que peu de choses à faire. Essayons. Si chaque homme de France faisait ce qu'il peut, l'invasion ne durerait pas longtemps. » Les raisonneurs le traitèrent de fou. Ne savaient-ils pas qu'un seul coup de fusil, une arme seulement trouvée dans le village, produirait l'incendie et le massacre ? « Je le sais, » dit Bernardo avec énergie. « Mais si nous avons le choix entre la honte et la mort, ayons soin d'abord d'éviter la honte. La mort est entre les mains de Dieu. » « De belles paroles !» lui cria-t-on. « Que ton toit brûle, cela te regarde. Nous prétendons préserver les nôtres. Libre à toi de te rompre le cou. Nous ne voulons pas être pendus. » Il lutta, supplia. Il fut éloquent sous l'influence des sentiments nouveaux qui bouleversaient son âme honnête. Mais ils ne se laissèrent pas persuader. Il s'agissait de sauver quelques pièces d'or cachées dans une paillasse, quelques moutons dérobés aux réquisitions, et surtout leur vie, qui, toute misérable qu'elle fût à cette époque de péril et de terreur, leur était chère. On le somma de livrer son fusil, afin de l'enterrer avec les autres sous le maître-autel. Les yeux de Bernardo ruisselaient de larmes brûlantes. « J'aimerais mieux, répondit-il, m'en servir contre vous, poltron, que de vous laisser vivre pour nous déshonorer tous. » On se jeta sur lui, et Rennalik intervint. « Mon fils, dit-elle, tu as raison. » Et ils ont tort, cependant, que la division entre voisins n'ouvre pas nos portes à l'ennemi. Tu peux disposer de ta vie, elle est à toi. Qu'ils fassent de la leur ce que bon leur semble. Tu ne changeras pas des brebis en lion, et il ne faut pas que le premier sang versé soit celui d'un frère. » La tête de Bernardo s'affaissa sur sa poitrine. Il prit son fusil et alla le porter à l'église comme les autres. « Et maintenant, nous n'avons rien à craindre, » dit le tailleur au prétendu patriote. « Si cet enragé avait agi à sa guise, tout était perdu. » Reinalix dit à son petit-fils quand il y revint, « Tu as fait ce que tu as pu. » Puis elle se détourna, s'enveloppa la tête de sa cape et fondit en pleurs, n'ayant vécu si longtemps que pour assister à ce naufrage. Bernadou était redevenu calme et silencieux comme de coutume. Il n'avait plus d'espoir. Fermant la porte, il passa un bras autour de sa femme et laissa son autre main dans celle de Reinalix qui priait. « Nous n'avons qu'à attendre, » dit-il. Le jour leur parut long. La fusillade cessa quelque temps, puis elle reprit et se rapprocha. De nouveau, tout fit silence. Vers midi, un berger arriva en trébuchant, pâle, ensanglanté, meurtri. « Les Prussiens, » dit-il, « l'avaient forcé de leur servir de guide. Ils l'avaient attaché à un cheval et traîné avec eux jusqu'à ce qu'il fût presque mort de fatigue. La nuit, il était parvenu à leur échapper, mais il ne devait pas être loin, » ajouta-t-il. « S'ils avaient brûlé la ville, c'est qu'un homme avait tiré sur eux du haut d'une maison, et ils n'en savaient pas davantage. » Bernadou, qui était allé chercher des nouvelles, revint accablé et cacha son visage dans ses mains. « Si je n'agis pas comme un lâche, » dit-il, « vous êtes perdu. » L'alternative était cruelle. Suivre son instinct, et voir égorger les siens et brûler le village, ou courber la tête misérablement et se mépriser lui-même pour toujours. Sa grand-mère l'embrassa. « Ne te désole pas. Le moment venu, fais comme ton cœur et la voix de Dieu te le conseilleront. » Il se mit à sangloter. C'était la première fois depuis sa plus tendre enfance qu'elle le voyait en cet état. La nuit vint. Cette journée d'automne finit par une pluie légère mêlée de vent qui dispersa les feuilles flétries. Les maisons du village étaient plongées dans l'obscurité. On craignait que la moindre lumière ne servît à guider les pas de l'ennemi. Tout à coup, un grand bruit retentit, celui que peuvent produire des piétinements d'hommes et de chevaux, des éclats de voix irrités. Mille lueurs d'acier perçaient les ténèbres. Bernadou, qui avait appuyé jusque-là son front au bord de la table, bondit sur ses pieds mortellement pâle. « Ils sont venus, » dit-il entre ses dents. Ce n'était pas de la crainte qu'il éprouvait, ni de l'horreur, mais plutôt un désir passionné de donner sa vie pour son pays. Et il n'avait pas d'armes. Ouvrant la porte d'une main ferme, il se tint sur le seuil en face de l'ennemi. La rue était remplie de fantassins, de cavaliers. Ils fourmillaient dans les bois, sur les routes, avaient fondu sur le village comme des vautours sur un agneau mort. C'était un bien petit coin, hélas, qu'on aurait pu laisser en repos, car il n'avait pas eu plus de part dans la guerre qu'un enfant nouveau-né. Mais il se trouvait sur le chemin du vainqueur et devait être écrasé sous son talon. Les Prussiens avaient entendu dire que des armes y étaient cachées, que des francs-tireurs s'y abritaient. Ils se mirent en devoir de fouiller l'église et les maisons. D'autres s'emparaient de tout ce qui pouvait servir à la nourriture. D'autres encore allaient à la recherche des divers sentiers à travers champs. Et cependant, ils encombraient la rue par centaines, assez nombreux pour donner l'assaut à une citadelle. Bien entendu, les paysans ne firent aucune tentative de résistance. Ils assistèrent, passifs, à l'enlèvement de leurs humbles trésors, en se demandant quelle destinée le fer et le feu pourraient leur réserver. Ils virent saccager la provision de blé mise de côté pour l'hiver, faire litière des récoltes. Ils virent leurs vieilles armoires de chêne forcées et tout ce qu'elles contenaient emporté comme butin. Le linge de ménage, les pièces de vaisselle, la rare et modeste argenterie, héritage antique de la famille, tout cela réuni avec dérision en un tas informe. Ils virent toutes ces choses et durent rester muets, redoutant qu'un geste de colère ne valût à leurs enfants une balle dans la tête et l'incendie à leur demeure. Sous le porche d'une chaumière ombragée par deux sycomores, un groupe se tenait silencieux. Bernadou, les bras croisés, immobile et pâle, le mépris, la rage dans les yeux. Margot, calme parce qu'il le voulait ainsi, son enfant suspendu au cou, Reinalix enfin, qui se redressant de toute sa taille, serrait un chapelet entre ses mains crispées. Ils étaient là, ne sachant ce qu'ils attendaient. Derrière eux, le feu s'éteignait dans le foyer qui avait été le centre de leurs espérances et de leur joie. Devant eux, s'étendait la campagne sombre où s'agitaient les torches portées par les soldats. Une voix s'éleva de cette masse armée. « Amenez-moi le paysan !» Bernadou fut saisi et entraîné jusqu'à la place où se tenait le chef des Uhlans, sur un cheval qui écumait de sang et tremblait de fatigue. Se débarrassant des mains qui le retenaient, il s'avança d'un pas. « Vous avez l'air moins bête que les autres, » lui dit l'officier prussien. « Connaissez-vous bien le pays ?»« Très bien. » Il le connaissait en effet depuis l'enfance, dans ses moindres détails, comme un amant connaît les traits de sa maîtresse. « Vous avez des armes ici ?» continua l'Allemand. « Nous en avions. » « Qu'en avez-vous fait ?»« Si l'on m'avait écouté, vous ne le demanderiez pas, vous l'auriez senti. » L'officier lui jeta un coup d'œil perçant qui rendait hommage à l'intrépidité de cette réponse. « Direz-vous où elles sont ?»« Non. » « Vous savez que la loi de la guerre punit de mort ceux qui cachent des armes. »« Cette loi, c'est vous qui l'avez faite ?»« En effet, et la volonté prussienne est désormais la loi de la France, mon garçon. »« Vous êtes hardi, vous méritez la mort. » Cependant, écoutez, vous dites bien connaître le pays. Bernadou sourit comme pourrait le faire une mère à qui l'on demanderait si elle se rappelle le visage de son enfant mort. En ce cas, il vous reste une ressource. Attachez-vous à mon étrier et conduisez-moi droit et vite comme vole le corbeau à la cachette. Vous aurez la vie sauve, sinon, vous serez fusillé. Bernadou garda le silence. Ses yeux cherchèrent à travers la foule des soldats les deux femmes debout devant sa chaumière. Elles s'efforçaient de leur joindre, mais les soldats les repoussaient, de sorte que les vacillations des torches les empêchaient de voir et le tumulte d'entendre. Pour cela, il remercia Dieu. « Avez-vous fait votre choix ?» demanda le Uhlan avec impatience. Ni la voix ni les lèvres de Bernadou ne tremblèrent lorsqu'il répondit « Je ne suis point un traître. » Son regard en même temps glissait doucement vers le petit porche, où il ne devait plus s'asseoir entouré de ceux qu'il aimait. « Vous en vantez-vous ? » demanda l'amant. « Ou est-ce sérieux ? Je ne suis pas un traître. » Le Prussien fit signe à ses soldats. Un double coup de feu retentit, et Bernadou tomba mort. Une balle avait traversé la tête, l'autre la poitrine. Le corps palpitant et chaud fut repoussé d'un coup de pied. Ce n'était qu'un paysan de moins. Avec un cri qui domina le bruit de la bagarre et pénétra comme une épée dans les cœurs, Rénalic se fraya un chemin parmi cette multitude et, tombant à genoux auprès de son fils, le saisit dans ses bras pour poser la tête de celui qui n'était plus sur ce sein où il avait dormi ses plus doux sommeils. « C'est la volonté de Dieu, » murmura-t-elle, « la volonté de Dieu. » Et il éclata d'un rire terrible. Margot l'avait suivi. Elle fixa son œil sec sur le cadavre, puis se jetant avec son enfant sous les pieds du cheval de l'officier. « Finissez-en » cria-t-elle. « Vous l'avez tué, eh bien, tuez-nous. N'aurez-vous pas assez de pitié pour cela ?» Le cheval effrayé se cabra. Sous l'un de ses pieds fut écrasée la tête blonde de l'enfant. On releva Margot. Elle était morte, bien que sans blessure. Rénalix avait paru ne rien voir de cette scène. Elle cherchait à tirer le corps de Bernadou vers la chaumière. « Il faut le ramener chez nous, il faut l'y ramener, » répétait-elle, ne voulant pas croire qu'il n'exista plus. Avec toute la force qu'elle avait eue dans sa jeunesse, elle parvint à le soulever, et le traînant à demi, elle coucha Bernadou devant le foyer qu'il avait tant aimé. Alors elle se mit à le caresser comme un nourrisson endormi. En disant tout bas, « Chut, chut !» Son esprit était égaré. Au dehors, le tumulte augmentait. On avait découvert les armes cachées dans l'église. Cinq paysans furent arrêtés et condamnés à expier le crime commun. Ils luttaient, ne voulant pas se laisser conduire comme des moutons à l'abattoir. On les fusilla dans la rue, sous les yeux de leurs enfants. Puis ordre fut donné de mettre le feu au village comme exemple et de l'abandonner à son destin. Quelques tisons arrachés à ces foyers rustiques furent lancés dans les granges et quelques torches sur les toits de chaume. Bientôt, flambèrent de tous côtés paille, bois sec, fourrage. Un vieillard, un proche voisin courut à Rénalix, la saisit par le bras. « On brûle le berceau, vite, vite, ou vous êtes perdus !» s'écria-t-il. La grand-mère le regarda en souriant. « Taisez-vous, ne voyez-vous pas qu'il dort ? » En vain, supplia-t-il, s'efforçant de l'entraîner, lui montrant le toit qui brûlait déjà. Ce spectacle rendit à Rainalix le sentiment de la réalité. Elle comprit ce qui s'était passé. Sauvez-vous donc vous-même, dit-elle de sa voix douce et forte. Moi, je suis vieille, et je reste à la maison avec mes morts. Les flammes et la fumée l'environnèrent. Elle ne bougea pas. Bientôt, le village fut un lac de feu qui engloutit à la fin le Christ vacillant sur sa croix. Un certain nombre de paysans gagnèrent la forêt avec leurs femmes et leurs enfants. Tout ce qu'ils possédaient fut consumé. La flamme dévora tout sur son passage. Les arbres dépouillés pétillaient et flambaient. Les chiens périssaient sur le seuil qu'ils avaient défendu. Les malades, les infirmes, furent asphyxiés dans leur lit. Du berceau de Dieu, transformé en fournaise, il ne reste qu'une ruine noircie et désolée, rien de plus. Qu'est-ce que cela en comparaison du reste? Une pauvre feuille que l'ouragan immense a flétrie sur son passage. Ainsi s'achève Une feuille dans l'ouragan de Ouida.